preocupado com a coisa. Se tu acuda, deixa que esse cara é louco. Se tu acuda, Ils vont faire un cut, on sort tes go-oh, enculé sa mère. J'ai brisé toutes ses go-oh, tes potos sont prêts. T'es shot avant les autres, et si tu veux on traîne. Si tu meurs c'est ta faute, tu veux faire un cut. On sort tes go-oh, enculé sa mère. J'ai brisé toutes ses go-oh, tes potos sont prêts. T'es shot avant les autres, et si tu veux on traîne. Si tu meurs c'est ta faute, faute. S3, 3, les deux, yeah. Moteur allemand là, j'vois pas les flashs non, donc j'prends des amandes. J'passe aux îles et j'vois du bif, mais pour l'instant, au fond de la classe, j'm'en bats les couilles, j'suis insolent. Transatoshi, God 7R, j'suis nouveau prince de Bel Air. Il m'énerve, j'discute avec AS et j'viens prendre son salaire. Gucci gang, plutôt gang, j'donnerai tout pour mon gang. On l'a fait alpha, ton disque d'or, j'te l'offre à ta perle. Traîner tard la nuit, me ramener en GAV. J'connais pas l'avenir, mais j'franchis ces étapes. Y'a pas gratuit ton fit, on se connaît pas, la la la. Et j't'assure si j'le charge ton pote il se relève pas, la la la. Moi j'ai grandi dans la dèche, j'fumais j'm'endors dans la caisse. J'me réveillais j'suis en Espagne, et mon moral est en perte. On termine plus les quêtes, j'm'en bats les couilles de ta fête. Et la pute à ta mère, en vrai de vrai là j'suis de la merde. Traîner tard la nuit, me ramener en GA. J'connais pas l'avenir mais j'franchis des étapes. On peut rater ton fit, on se connaît pas. Je t'assure que si je le charge, ton petit se relève. Ils vont faire un tête, on sort tes go-oh. Enculé sa mère, j'ai brisé toutes ses go-oh. Tes potos sont prêts, les shots avant les autres. Et si tu veux, on traîne. Si tu meurs, c'est ta faute. Tu veux faire un tête, on le sort tes go-oh. Enculé sa mère, j'ai brisé toutes ses go-oh. Tes potos sont prêts, les shots avant les autres. Et si tu veux, on traîne. Si tu meurs, c'est ta faute. Faute. Au revoir le terrain, bonjour le R1. Soit tu rates le train, moi je bombardier, capter le frein. T'es plus que 20, mais choc même si vous êtes 20. Ton pif est restreint, j'claque et j'demande à point. Oh, on était mère en Inde, la putain t'a marre. Je voulais de la peuf, ça t'avait qu'à demander. Ton succès n'est pas mérité, c'est pour la s'accroche à mon pied. Tes potes sont là pour attirer, merci de ton aide, mais ça va aller. J'suis plus dans le fond du bête. Volé mon feu, je l'ai retrouvé dans ta fouille. Trop de canards dans la feuille, c'est pour ça qu'on devient fou. Il part sur la scène, j'atterris dans la fosse. Je vais être tranquille à l'hôtel, c'est des malades, des rêves et la gosse. Traîner tard la nuit, me ramener en GA. Je connais pas l'avenir, mais je franchis des étapes. Viens pas gratter ton fit, on se connaît pas. Et je t'assure que si je le charge, ton pote il se relève pas. Il nous fait un jet, on nous fait des go-go.